dès maintenant vos billets au coût de 10$ par PayPal sur notre site ckrl.qc.ca ou à la station au 405 3e Avenue, le 40e anniversaire de CKRL. Un événement à ne pas manquer. Salut, alors ici Jean Leloup, le roi de la CKRL Station. Le roi, le sous-lieutenant et le surintendant de la CKRL Station qui vous dit le bonjour tous les audimates et qui les vous dit et qui les vous écoutez. La CKRL Station dont je suis le roi. Bienvenue à Web Musique. Vous êtes avec Simon Roy pour la prochaine heure. Donc, comme à l'habitude, on va avoir plein de bonne musique. Plein de bonne musique gratuite. Vous avez juste à vous rendre sur le site de l'émission Web Musique et vous allez pouvoir télécharger absolument toutes les pièces que vous entendez ce soir. Donc, c'est ça, comme à l'habitude, on fait notre tour de la planète grâce aux internets. On va débuter avec un artiste espagnol de la ville de Séville. C'est Coroco Bocaito. Je vous fais entendre la pièce Glitchendo. Vous allez voir une pièce assez planante pour débuter l'émission. Ensuite de ça, de l'Italie, c'est Andy Monroe. Je vais vous faire entendre sa pièce Some Kind of Miracle. C'est publié ça sur l'étiquette Vatican Records. Excellent net label, donc je vous invite à visiter plein d'albums complètement pétés. Vatican Records, allez visiter ça, ça vaut la peine. Donc, c'est ça, on débute tout de suite Web Music avec Coroco Bocaito. C'était une pièce excellente de Andy Monroe. La pièce s'intitule Some Kind of Miracle. Andy Monroe qui nous vient de l'Italie, donc publié sur l'étiquette Vatican Records. Avant ça, ben, on écoutait de la ville de Séville en Espagne, c'est Coroco Bocaito avec la pièce Glitchendo. Merveilleuse pièce, vraiment planante. On va poursuivre avec un artiste publié sur Politicide, c'est Buck Andrews. Je vous fais entendre sa pièce Nack Scob. Ensuite de ça, de la France, c'est l'Onironaute. Je vous fais entendre la pièce Amoureux. Vous allez voir, vraiment excellent. La pièce de l'Onironaute, attendez un peu, je vais vous dire de quel album que ça vient. C'est vraiment un album excellent. Je vous invite à le télécharger. Il faut absolument que vous le procuriez. Donc, c'est ça, je vous le donnerai tout de suite après le titre de l'album. Pour tout de suite, à Web Musique, on écoute Buck Andrews. We'll be right back. Excellente pièce de Lonnie Renaud. C'est la pièce Amoureux. C'est tiré de son album Les Chimères Exquises, qui est publié sur l'étiquette Bouddha Beats. Donc, je vous invite à télécharger son album Les Chimères Exquises. Vraiment excellent. Des tunes comparables à ce que vous venez d'entendre. Donc, pour poursuivre Web Music, je vous propose un groupe de la Suède du nom de X-Lan. Ils sont publiés sur l'étiquette Trorg. Trorg, qui est un sous-label de l'étiquette WM Recordings, donc des vétérans dans le monde net audio. Je vous fais entendre la pièce Galaxy Overload in the Circle of Eight. Donc, c'est X-Lan. On écoute ça tout de suite à Web Music. Salut tout le monde, c'est Antoine Graton. Je vous invite le 15 février à l'espace Hyperion pour célébrer avec moi le 40e anniversaire de CKRL, la première radio communautaire francophone au pays. J'offrirai une prestation musicale démoniaque et mon ami Dee sera DJ pour la fin de soirée. Je vous attends. Procurez-vous les billets pour cette soirée retrouvaille au coût de 10$ par PayPal sur notre site ckrl.qc.ca ou à la station au 405 3e Avenue. Venez fêter le 40e anniversaire de CKRL avec nous. Écoutez, le dimanche de 22h à 23h, La Croche-Oreille, la seule émission en art audio et électronique au Québec. Animée par Jean-Pierre Gay et Ariane Plante, La Croche-Oreille est présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. La Croche-Oreille, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui. Amateur de rareté et d'exclusivité, Simon Savard vous invite dans une exploration musicale à saveur généalogique. Artistes, groupes ou maisons de disques, La Marge vous fait découvrir de façon unique des artistes qui ne vous laisseront pas indifférents. Les lundis, 21h30 à CKRL. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 10% de rabais au restaurant Les Colocs, 400 3e Avenue Limoilou, au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est, à la Fournée Billot, 1296 3e Avenue Limoilou et chez Amassane le Masseur. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais, ça peut être payant. CKRL 89.1 Québec. De retour à Web Musique, vous êtes toujours avec Simon Roy. Donc, tout juste avant la pause, on entendait le groupe suédois, donc X-Lan, avec leur pièce Galaxy Overload in the Circle of Eight. C'était publié sur l'étiquette Trorg, un sous-label de WM Recordings. Pour la suite, on va écouter un artiste qui vient de l'Autriche, cette fois-ci de la ville de Vienne. C'est Tapiresque. Je vous fais entendre sa pièce Opus 7. C'est publié sur l'étiquette Larry Day. Puis ensuite de ça, tout de suite après, c'est un artiste publié sur Chase Records. C'est Break Trails qui nous vient des Pays-Bas. Je vous fais entendre sa pièce Countdown. Donc, on écoute Tapiresque avec sa pièce Opus 7 à Web Music. Thank you. Run. des Pays-Bas, c'était donc Break Trails avec leur pièce Countdown. C'était publié sur l'étiquette Chase Records. Avant ça, c'était de l'Autriche avec Tapiresk, sa pièce Opus 7, publiée sur l'excellent net label Larry D, eux aussi des vétérans dans le monde du net audio. Pour poursuivre Web Music, je vous fais entendre cette fois-ci un artiste de la ville de Tours en France, c'est Kanchi. Je vous fais entendre la pièce Détrivor. Ça, c'est publié sur l'étiquette Digital Pit. Donc, c'est ça, on écoute ça tout de suite. Thank you. de la ville de Tours en France, c'était Kanchi avec la pièce Détrivore. C'était publié sur de l'étiquette Digital Pit. Donc, ben c'est ça. Ça va malheureusement déjà être tout pour Web Music. C'est la croche-oreille qui s'en vient tout de suite après avec Jean-Pierre Gué et Ariane Plante. Donc, je vous invite à rester à l'écoute. Toujours une excellente émission, un peu de musique vraiment spécial qui s'en vient tout de suite après Web Music. Donc, on va se quitter, nous, sur une dernière pièce de Kesanto. C'est un artiste qui vient de la Hongrie. Je vous fais entendre sa pièce Jungle 8000. C'est publié sur l'étiquette Dusted Wax Kingdom. Donc, on se laisse là-dessus. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre émission de Web Music dès 21h. On va encore avoir plein de bonnes musiques en téléchargement gratuit. Donc, ben, c'est ça. On se laisse sur Kesanto. Je vous souhaite une bonne semaine à l'antenne de CKRL. Téléchargez Web Music sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.